Encore 7 mois de prison, j'ai fait mon autopsie. Qui me régale, qui régale, qui veut vendre des barrettes au détail, qui veut du magot, qui a un cacubin zéro. Je suis dans le monde à la part Matrix, où j'ai mis mes plus belles valeurs, reçu bien, je veux des vœux qui sauront me choisir. Qui cherche la vérité de la matrice, qui gère les codes à code gamer, qui est Cooperfield, qui dégage les chemins qu'on construit nos homologues singes, le Japon et ses créations les plus belles nous ont été offertes, qui règne en Russie, pillé à clair et froid comme Javol, qui a inventé la plante à cette feuille, qui a le ticket, qui a fait des téléphones invisibles, des androïdes sophistiqués, de simples catégories, de catalogues pour une version 2 dans le monde, qui a pris des risques de notre agence, des panneaux à Travedis, qui a tout rasé ces putains d'écoles, qui a jamais décollé, qui est ce Greta seconde chance, qui a mis les valises devant les valises pour emporter deux, qui monte et descend rapidement, j'ai pas le temps, se faire une pause, je cause, qui s'est réinventé petit génie, 53 de cuisse, je fume, donc je respire, tout feu, tout flamme. La mafia 2040, j'arrive par hélicoptère, c'est le retour de notre passé simple. Plus et nos choses, on se ressemble. Je souligne liberté et qualité. Je bosse tous les jours pour ma journée. Je fais ce qui est de me plaire, car je charme et donne un sourire aux filles. J'ai le truc et je suis fidèle à l'allure d'une chienne. J'ai fait mes quotas, qui est allé au supermarché V2. Qui a eu des écrans d'ordinateur uniques, qui est unique à la mafia, qui est là, qui se refait, qui a eu le Covid, qui se fait des remerciements sur les scores à corps gamer, qui cherche quoi dans la nature, qui s'est réinventé petit génie, c'est 43 depuis. Je fume donc je respire, tout feu, tout flamme, qui a payé l'euro à l'heure, qui est descendu pour voir là-haut, qui a été patient dans les attentes, qui me à faire un DUT informatique qui me régale, à qui je fais la guerre, sale jeté de noobs, putain de putain, ils ont de la marchandise sale et propre, sont les savonneurs, le petit du kilo 2 monte en flèche, qui a refait la balade sur les palais devant chez soi, qui a été fusionné pour mener une équipe gagnante, qui a fait renaître les bazars pour l'Algérie, qui a aidé internet, qui est punette, qui est le hacker du menu, gère les micro et part, qui s'est réinventé, petit génie, 53 de cuisse, je fume donc je respire, tout feu, tout flamme.